Bonjour chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Certains élus du peuple estiment que le coût total pour les élections de 2020 devrait être connu afin de mettre fin aux cotisations. Le ministre burundais des Finances tranquillise ses députés qu'il est en contact avec la CENI pour en déterminer le montant d'ici peu. Et la direction provinciale de l'environnement, agriculture et élevage de Muramvya se dit satisfait du pas franchi dans la mise en application de l'ordonnance ministérielle exigeant le déracinement des arbres qui absorbent beaucoup d'eau. Vous l'entendrez dans ce journal. Et la tolérance politique devrait être exploitée pour accéder au pouvoir par les élections. Vous entendrez les hommes politiques burundais. Voilà pour les titres. Eric Ouimana est à la cabine technique. Moïse Misagot à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par la page politique. Les Burundais devraient comprendre que l'accès au pouvoir doit être issu des élections caractérisées par la tolérance politique. C'est là le point de vue du porte-parole du parti Iprona. 26 ans après la victoire du parti Sahwanya Frodebo aux élections de 1993, Olivier Nkurunziza affirme qu'à cette époque, la tolérance politique n'était pas de mise, mais qu'on n'a pas assisté à des violences physiques. Selon lui, la démocratie a certes connu des avancées, mais l'intolérance politique reste toujours d'actualité sur la scène politique burundaise. Je vous prie de l'écouter. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burundi a évolué plus qu'en 1993? Le Burundi, après l'assassinat de son Excellence, le président Melchior Ndadaye, a connu les périodes de turbulence. Il y a eu les crises, il y a eu les groupes rebelles, il y a eu pas mal de choses. Ce qui a fait vraiment que les Burundais reculent dans le respect des droits de l'homme parce qu'ils se sont entretués alors qu'ils étaient des frères. Alors ce qui a poussé que les Burundais, même par les négociations, a fait de retrouver la démocratie. Bien sûr, en 2005, on a fait des propagandes, on a fait des élections que je qualifie transparentes, qui étaient bien organisées. En 2010, nous avons constaté qu'il y a eu un peu de régression parce qu'il y a des hommes politiques qui se sont retirés des élections, ce qui montre qu'effectivement, les Burundis n'ont pas bien compris le rôle des élections. En 2015, tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé. Il y a même eu le coup d'État au Burundi, ce qui montre que les Burundais, les hommes politiques, il y a des hommes qui veulent passer par les raccourcis pour recevoir le pouvoir. Alors, nous trouvons qu'il y a encore à faire. Nous constatons que même aujourd'hui, il y a des jeunes, des partis politiques qui se confrontent sur télé, qui n'acceptent pas qu'il y ait d'autres partis politiques, qui n'acceptent pas qu'il y ait des autres hommes politiques qui arrivent sur les collines. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire. Nous demandons aux hommes politiques, aux acteurs politiques aujourd'hui, parce que nous tendons vers les élections de 2020, de faire tous les moyens possibles pour travailler et expliquer les jeunes de leur parti politique qu'est-ce qu'il faut faire pendant les propagandes, qu'il faut présenter les projets de société au lieu de se confronter. Nous constatons qu'effectivement, les Burundis commencent à comprendre qu'il faut que chaque fois, pour arriver au pouvoir, qu'il faut passer par la viaducte des urnes. Alors, la leçon que nous tirons aujourd'hui, il ne faut pas se retirer des élections. Il faut toujours avoir le courage de participer dans les élections, mais aussi de savoir que quand tu es au pouvoir, que pour garder le pouvoir, il ne faut pas user la force, mais plutôt présenter tes projets, mais plutôt travailler pour que les Burundis gardent toujours la confiance au lieu d'utiliser la force pour se maintenir au pouvoir. De son côté, le parti Parena trouve que la tolérance politique lors des élections qui ont conduit le parti Sahwanya Frodebo au pouvoir n'était pas assez satisfaisante. Le président de ce parti fait savoir que seul le dialogue inclusif peut amener la confiance et la tolérance sur la scène politique au Burundi. Selon Zeno Nimubona, président de ce parti, l'intolérance politique qui est d'actualité a des similarités avec la période de 1993. On l'écoute. Par rapport à l'année 93, il y avait une tolérance qui était couverte d'incompréhension ou d'inondi. Et c'est pourquoi, malgré l'association de l'opposition à l'élaboration de la constitution du code électoral et de la participation dans la CENI, l'opposition a remarqué que la constitution qui allait être adoptée n'allait protéger personne et ça a été le cas. Le collectif devait être fait avec Arusha, mais visiblement, malgré les belles intentions, question de l'accord d'Arusha. Beaucoup de gens sont morts sur le plan, hors des raisons purement politiques. La leçon était qu'il devrait être question de s'asseoir pour savoir pourquoi des gens doivent mourir pour des raisons politiques. Comment éviter que cela ne se reproduise? C'est ce qui devrait se dire. La leçon devrait être que l'organisation des élections soit convenue à tout point de vue, tant du cadre légal que de l'organisation pratique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Page environnement à présent, le bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Muramvya se dit satisfait du pas franchi dans le déracinement des arbres plantés sur les rives des rivières et qui absorbe beaucoup d'eau comme contenu dans l'ordonnance ministérielle du 2 avril de cette année en cours. Ali Kassim, responsable provincial, dit que les habitants de cette province ont compris la valeur ajoutée de cette campagne. Il rassure que les arbres plantés à plus de 15 mètres de bord des rivières ne seront pas abattus. On l'écoute. Ce qu'on constate, c'est que la population de notre province commence à comprendre que les arbres qui absorbent beaucoup d'eau sont à l'origine du tarissement des sources d'eau. Également, on observe le tarissement des cours d'eau. Maintenant, la population est à rêve, ce qui fait que tous les jeudis, dans toutes les communes de la province de Muramvya, l'activité de protection de l'environnement est répandue par la population. Dans d'autres localités, il y en a ceux qui disent que les arbres sont déracinés d'une manière totale. Est-ce que c'est la même chose dans votre province? Dans notre province, d'abord, on a commencé par la sensibilisation de la population. Et nous, en ce qui nous concerne en tant que techniciens, on déracine ces arbres sur mesure, ce qui fait que l'ordonnance conjointe signée par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, conjointement avec le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique, stipule que les arbres sont déracinés sur une longueur de 15 mètres, comptée à partir de la dernière cour d'eau. Maintenant, dans notre province, on respecte ces normes et la population commence à comprendre l'importance de déraciner ces arbres tout en respectant la mesure que le gouvernement a mis en place. D'abord, nous sommes à Lèvres. La population répond massivement à ces activités de protection de l'environnement, ce qui fait que nous, les services du BPAE Muramvya et l'administration, nous sommes satisfaits. Mais à compter les 3 mois, on fera l'évaluation après les 3 mois. Mais ce qui est sûr, même après les 3 mois, l'activité doit continuer. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité à présent, un veilleur a été tué poignardé la nuit de samedi à dimanche par des personnes non encore identifiées qui venaient voler devant le marché central de Makamba. Ces voleurs ont volé 500 000 francs dans une boutique après avoir défoncé ses portes, comme l'indique son propriétaire. À côté de cette dernière, ils ont ouvert le bureau de la COPEC, mais rien n'a été volé, comme l'indique Noé Ndaisenga, le représentant de la COPEC dans cette commune. Comme l'affirme Noé Ndaisenga, responsable de cette COPEC à Makamba, l'administration demande aux boutiquiers de cette localité de faire installer chacune une lampe devant sa boutique. La police indique que des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs. Page politique à présent, il est grand temps que le budget nécessaire pour organiser les élections de 2020 soit connu afin que les cotisations pour ces élections cessent. Cette demande est du président de l'Assemblée nationale. C'était ce mercredi lors de l'analyse du projet de loi budgétaire de l'exercice 2019-2020. Pour Pascal Nyabenda, ce budget pourrait d'ailleurs être revu à la baisse par rapport au budget utilisé lors des précédents scrutins. Il explique cela en se basant sur le fait que pour les prochaines élections, les élections présidentielles, législatives et communales auront lieu le même jour. On l'écoute. Il y a une question de savoir le coût total des élections. Vous avez répondu que vous ne le savez pas encore en évoquant la loi électorale qui n'était pas encore promulguée. Je vous dirai, monsieur le ministre, que cette loi a été promulguée le 20 mai et vous vous êtes rencontré le 24 du même mois pour dire que la loi était déjà là, sauf que la CENI ne l'a pas encore exploitée pour voir les amendements. Ici à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a quelques amendements que nous y avons apportés. Quand il était projet de loi, on allait commencer par les élections présidentielles puis les législatives et enfin celles des conseils communaux. Mais toutes ces élections ont été combinées, c'est-à-dire une triple élection, les élections présidentielles, les législatives et celles des conseils communaux se dérouleront le même jour. À entendre que dans le budget, comme nous le voyons, même si à la CENI il y a une autre conception, nous voyons que le budget alloué aux élections diminuera car il y a des dépenses qui devraient être utilisées pour les présidentielles, mais qui ne seront plus utilisées car ces élections auront lieu le même jour. Mais ils ont dit qu'il y a d'autres matériels qu'ils achèteront, comme les urnes, car ils seront obligés d'augmenter la quantité. Car ceux utilisés pour le présidentiel étaient censés être utilisés pour d'autres élections. Après ces explications, ma question est celle-ci. Comme la loi est déjà disponible, j'estime que les concernés y travaillent pour voir le coût définitif des élections. Pouvez-vous estimer quand vous annoncerez la fin de la collecte des cotisations pour les élections? Je pense qu'il y aura un moment où vous annoncerez la fin des cotisations que vous prélevez au salaire des fonctionnaires de l'État. Ainsi, ces retraits restent au salaire des fonctionnaires. Sur ce, le ministre des Finances indique qu'il est en contact avec la Commission électorale nationale indépendante pour que cette dernière puisse déterminer dans les prochains jours le budget précis pour organiser les élections. Sur la question de savoir si ce budget sera revu à la baisse, le ministre Domitien Diokoub Gayo dit que la CENI a indiqué que ce budget pourrait augmenter. Il souligne que tout dépendra des statistiques de la CENI. On l'écoute. Sur la question de savoir le budget nécessaire pour organiser les élections, vous avez expliqué que le code électoral a été promulgué le 20 mai de cette année. Oui, c'est vrai, nous l'avons appris alors qu'on finalisait déjà ce projet de loi budgétaire avec la commission chargée des questions économiques. Il était alors impossible de nous réunir avec la commission électorale nationale indépendante pour déterminer ce budget. Avant d'entrer ici à l'hémicycle, j'ai contacté la CENI et on m'a appris qu'ils sont à l'œuvre et que très prochainement, ce budget général pour la tenue des élections de 2020 sera annoncé. Vous avez aussi dit que ce budget pourrait être revu à la baisse, d'une part parce qu'il y aura 3 élections en une journée, mais d'autre part, la CENI estime que ce budget pourrait être revu à la hausse. Et alors, de ma part, l'essentiel est d'organiser de bonnes élections. On va alors tout faire pour organiser les élections crédibles avec les moyens raisonnables. Page sportive à présent, les matchs amicaux que l'équipe nationale Inamba Murugamba vont livrer au Qatar aideront le sélectionneur burundais à établir minutieusement la liste définitive des joueurs qui seront présents dans les compétitions de la CAN en Égypte depuis le 21 du mois en cours. Cela est dit par le journaliste sportif qui suit de près l'équipe nationale Inamba Murugamba. Patrick Arakandi ajoute que ces matchs seront un atout pour les joueurs de jouer les matchs de la CAN sans peur. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. La valeur ajoutée, c'est que les joueurs auront la chance de jouer avec ces meilleurs qui sont l'Algérie et la Tunisie. Ils ont des joueurs qui sont de meilleurs dans des grandes compétitions comme les Slamenis et les autres qui évoluent dans des grands championnats. Et ça sera une très occasion de jouer avec eux, d'avoir aussi de l'expérience. Et aussi pour le coach et le staff, ils auront la chance aussi de voir les 11 qui peuvent commencer le match. C'est pourquoi même il y aura les 6 joueurs qui vont retourner. Donc ça sera une chance de bien sélectionner l'équipe. Ils vont discuter avec la Tunisie. C'est vrai que ces équipes-là, maghrébiennes, ne sont pas dans le même pool. Mais la chance, la Tunisie a déjà joué avec le Nigeria, qu'elles sont dans le même pool. Ça sera une occasion de voir le coach, comme il nous a dit dans la conférence de presse de jeudi. Ils ont déjà fait le visionnage du match Tunisie-Nigeria. Aussi, ça sera l'occasion de voir les techniques que les Nigériens ont utilisées pendant le match-là avec la Tunisie. Ils peuvent copier ces techniques et voir si, lorsqu'on va se croiser avec les Nigériens, nous serons capables de gagner le match ou bien d'avoir un bon résultat. Dans le match amical que Ndama Burugamba pas arriver avec Aigle Noir. Ils n'ont pas démontré assez d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'assez des matchs amicaux qu'ils vont jouer? Ce n'est pas dire qu'il y avait manque de l'expérience, il y avait de la peur. Un joueur, lorsqu'il est trop déterminé, il doit avoir de la peur. Donc, c'était à la maison, il y a des nouveaux joueurs qui cherchent à gagner la place dans l'équipe nationale. Avec cette détermination, il y a de la peur. Mais je pense là, par exemple, à Qatar, il n'y aura pas de pression. Ils vont jouer tranquillement. Ça sera une bonne occasion pour le staff de voir les 23 joueurs qui peuvent disputer la CAN 2019. Et avant de boucler cette édition, ouvrons la page internationale et au Soudan. Il y a eu un mort et au moins 23 blessés par balle l'après-midi de ce samedi suite à une fusillade. Comme nous le lisons sur le site de la radio de la RFI, c'est le troisième incident du genre cette semaine entre les forces de sécurité et les civils. Et toujours au même endroit, autour du même pont, dans une zone baptisée Colombie, les civils accusent les soldats d'essayer de briser la révolte par la force. Selon toujours RFI, en Syrie, 10 morts dont les combattants étrangers dans les frappes israéliennes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dans un communiqué sorti ce dimanche avoir ordonné des tirs de missiles contre les positions de l'armée syrienne après que les roquettes syriennes eût visé le territoire israélien. Et voilà, chers auditeurs, à 13h13, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Eric Ouimana pour sa collaboration technique. Passez un bon après-midi. Au revoir.